Connaissant, je n'ai pas oublié tous ces enculés qui ont fait du blé sur ta liberté. Enfermés, ils ne sont pas gênés. Et dehors, les enfants pleurent encore. Et dehors, les enfants sont affamés. Les petits bouffons qui cachent leur révolte derrière leur badge, oublient leur raison. Le long des murs et dehors les femmes espèrent encore, et dehors les femmes prient toujours. Enculé.